La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je te parle de ton fils. Bon, enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Là, c'est... Franchement ! C'est à moi. Je suis marraine, la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeuristes, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, à l'occasion de ma 20e chronique cinéma, focus sur un acteur d'envergure, et je pèse mes mots, Gérard Depardieu, ou, comme dirait notre cher ami Kenzout la Zouzout, Quintitou, Vlad Depardieu. Une grosse variante de 22 Vlad les flics. Bon alors, le GG, il n'est plus à présenter. Laissez-moi quand même vous lister quelques éléments biographiques. Gégé, c'est le fils de René Depardieu, dit Dédé, qu'il écrivait avec deux D parce qu'il savait pas écrire, et Alice Marillier, dite Lalilette, mère au foyer à Châteauroux. Une famille de prolétaires en somme, dont Gégé est l'aîné, et il va même aider Lalilette à accoucher de ses cadets. Analphabète et quasi bègue, Gégé est un petit voyou, mais un fils de médecin va le prendre sous son aile, lui apprendre le théâtre, l'emmener à Paris. Hyper émotif, Gégé va trouver dans les textes un bienfait thérapeutique. Il va donc trouver son succès sur les planches, va être repéré par Marguerite Duras et compagnie, et de fil en aiguille va devenir le grand acteur français que l'on connaît. Oh yeah! Parce que même si son image de gros plein de soupe ronchon lui colle à la peau, même s'il reprendrait bien un coup de polémique à l'apéro, Gégé, c'est avant tout une bête de cinéma, avec plus de 200 films à son actif. Alors j'ai décidé de vous partager les films avec lui que j'ai préférés. En numéro 1, forcément, les films de Bertrand Blier, enfin pas le dernier, avec Clavier, nul à chier. Les valseuses, Buffet froid, Préparez vos mouchoirs, Trop belle pour toi, enfin surtout Les valseuses. C'est sûrement le film qu'il a révélé en 1974, dans son duo parfait avec Patrick Devers. Des dialogues crus, parfois douteux, voire même pas très respectueux de la condition féminine, mais un humour criant à prendre au millième degré. Parce que les punchlines, ça, elles nous marquent, l'avoine. Allez, un petit extrait cultissime pour votre bon plaisir. Et maintenant ? Où on va maintenant ? J'en sais rien, tu nous emmerdes. N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité. Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors... T'as pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pourquoi pas? Tu te sens pas en joueur? On est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. On bandera quand on aura envie de bander. En numéro 2, et dans un autre registre, Le dernier métro de François Truffaut en 1980. Là, c'est avec Catoche Deneuve que Gégé forme un duo parfait. Et l'histoire est belle. Pendant la guerre, alors que la France subit l'invasion nazie, les Parisiens continuent d'aller au théâtre. Marion, actrice, dont le mari metteur en scène est juif, cache ce dernier dans le sous-sol du théâtre, littéralement sous les planches. Elle joue notamment avec Bernard, jeune premier de la troupe dont elle va tomber amoureuse. Secret, suspense, mise en abîme sur fond de résistance, Gégé nous livre là une performance noble, rythmée par la musique de Georges Delerue, dont voici un extrait. Et puis en dernier, excusez-moi, mais Obélix, les gars. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre est gravé dans ma chair comme lorsqu'on appuie trop fort au stylo bille et que ça laisse des traces indélébiles. Obélix est dans mon palimpseste et je ne peux le taire. C'est ainsi. Et je suis désolée, mais dès qu'il parle, je rigole encore trop. Alors je vous ai fait un petit medley des répliques d'Obélix dans le film de Chabat, parce que... Franchement... Voilà. Ils sont bien, ces Romains. Ils volent mieux que les autres, j'ai l'impression. Ça doit être leur nouveau casque, là. Ça leur donne une meilleure pénétration dans l'air. Quoi? C'est moi qui aboie. J'ai plus le droit de parler, alors j'aboie. Mais ça va, t'as gagné. C'est sur le du sac qui va finir par étouffer là-dedans. Il n'y a rien dans le sac. Oh, il est intelligent, ce chien. Oh, mon Dieu. Tricheur, mauvais joueur. C'est pas correct. C'est ça, connaissez-vous vous-même, ça vaut mieux. On dirait qu'ils savent à qui ils ont affaire quand même, hein. Oui, oui, ce sont de vieilles connaissances. Nous allons souvent à la mer ensemble. Ah, oh, il y a du monde. Fait tout à fait penser au mondial du bœuf à Lutèce. Non, là, le salon du bœuf, une fois tous les deux ans à Lutèce, on expose tous les nouveaux bœufs, toutes les nouvelles races de bœufs. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Grosse manifestation. Qu'est-ce que vous avez comme bœuf? Personne ne bouge. Nous venons arrêter les Gaulois. Ordre de la reine. Oh, franchement, pour trois sangliers. Bon, je leur mets des baffes, et puis on mange. Obélix, ne prends pas tout le bro. On a dit une gorgée. Mais ben, une gorgée. Maintenant, Obélix, ouvre la porte du cachot. J'ai pas bu tout le bro. Écartez-vous derrière, on sort. Ouais, c'est ça. Et en revenant, si vous pouviez me ramener un paquet... S'en fout, ces Égyptiens. On leur demande de s'écarter, puis eux, ils restent derrière. Oh là là là là. Bon, et puis sinon, Gégé, il a joué dans du Alain René, dans du Maurice Pialat, dans du Jean-Paul Rapneau, où il a fait un sacré bon Cyrano, même si maintenant, le Cyrano, il le boit plutôt. Il a même joué récemment avec Michel Houellebecq, dans la suite de L'enlèvement de Michel Houellebecq, de Guillaume Niclou. Le second volet s'appelle Thalasso, regardez les deux, c'est absurde. Il paraît que Gégé est confiné dans son château à Tignay, son grand domaine viticole dans le Maine-et-Loire, et que pour l'apercevoir, il faut aller au rayon alcool du Super U de Muré-Rénier. Gégé, c'est Gégé. Allez, gros bisous et vive le cinéma. La chronique cinéma. C'est pas quoi faire. Est-ce que je fais? Tu es complètement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Bon, enfin... Lutin, malin, pestil. Waouh! Je la veux encore. Ça ne doit plus arriver. Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver. Là, c'est... Franchement...